cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Pour une toute nouvelle émission d'Autour de vous, je reçois Véronique et Alain dans les studios de RGM. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Bonjour, oui, tout va bien. Nous sommes contents d'être là avec vous. J'avoue que je suis assez fière de recevoir des Loyats, c'est comme ça on dit, les habitants de Loyat. Oui. Parce que j'habite à Loyat depuis 2008, donc voilà, je suis contente de recevoir des gens de ma ville dans les studios de RGM. Voilà. Merci d'être là. Merci. Merci, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots tous les deux à nos auditeurs ? Donc, moi je suis Véronique, je suis l'organisatrice du Téléthon sur Éloie, enfin organisatrice c'est un grand mot, je représente un groupe de bénévoles, nous sommes beaucoup de bénévoles et nous organisons une grosse manifestation donc le 4 décembre sur Éloie, comme tous les ans depuis 25 ans environ. Oui, moi je m'appelle Alain, donc j'ai rejoint Véronique, c'était en 2015, elle nous avait sollicité pour venir faire d'autres manifestations pendant ce Téléthon, et comme je faisais du travail avec mon ami Laurent Lebas, nous avons adhéré très facilement, donc nous avons fait des parcours, et depuis là, nous organisons des trails, ce qui permet de faire vraiment une très belle journée. Véronique, vous disiez que vous organisez ça depuis 25 ans. Comment ça s'est passé pour faire ça ? Alors, moi, je suis organisatrice depuis 8 ans, mais depuis 25 ans, nous avons eu, l'opportunité, la rencontre, une famille qui a rencontré un enfant qui était atteint d'une myopathie, qui a été sensible à son cas, enfin à sa maladie, et qui a tout de suite décidé d'adhérer à cette manifestation nationale. Donc, depuis, c'est un rendez-vous incontournable sur Éloie, tous les ans. Alors, comment ça s'organise un tel événement ? Alors, un tel événement, ça s'organise toute l'année, puisque nous avons nos sportifs, dont Alain est responsable, qui commencent à reconnaître les parcours dès le printemps, parce que c'est du travail, il y a un parcours qui fait 20 km. Ensuite, derrière, il y a tout un suivi administratif. Cela devient très compliqué. Nous avons des relations avec la préfecture, avec l'ONF, avec les chasseurs, avec les mairies. Ensuite, à partir du mois de septembre, nous commençons à mettre en place la loterie. Nous avons 400 lots. Donc, nous commençons les vendredis après-midi à emballer les lots, les répertorier et tout ça dans la bonne humeur et avec beaucoup de bénévoles. Ça demande pas mal d'énergie, tout ça, et d'organisation surtout. Oui, il faut une bonne organisation et beaucoup d'énergie, effectivement. Du coup, vous avez des aides ? Il y a combien de personnes qui vous aident à faire tout ça ? Alors, nous n'avons pas le nombre exact parce qu'on a des gens qui viennent une journée, une quarantaine. Ah oui, quand même ? Oui, on a une bonne dynamique sur Éloie. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour célébrer le Téléthon ? Alors, bien sûr, il faut faire un contrat. Il faut remonter un contrat à la coordination locale qui se trouve à Épinal. C'est un engagement avec l'AFM. Disons que ça clarifie les choses. Notre manifestation est déclarée avec tous les détails. Nous devons donc nous engager à remonter des fonds, à limiter certaines dépenses. Et en plus, nous pouvons bénéficier des médias un peu partout sur les Vosges et pour annoncer notre manifestation. Est-ce qu'Éloie est la seule ville du département à organiser le Téléthon ? Ah non, bien sûr, il y a plus de 150 manifestations sur les Vosges. Quelles associations vous ont apporté leur soutien pour le Téléthon d'Éloie ? Alors, à Éloie, nous avons la chance d'avoir l'association familiale, le club Grimpon qui va organiser un open d'escalade au mois de janvier. Nous avons les aînés ruraux, le théâtre qui nous donne une participation. Voilà, quelques associations. Je pense qu'il y a des footballeurs qui vont venir courir, des pompiers. Ah oui, ça fait du monde, dis donc. Ah oui, ça fait du monde. Oui, plus les commerçants, les grosses entreprises locales qui nous aident financièrement et par le biais de dons. Il n'y a pas l'entreprise Thirier aussi ? J'ai vu ça sur le flyer. Bon, alors, l'entreprise Thirier nous donne les desserts, entre autres, et un don. Voilà. Est-ce que ce sont toujours les mêmes associations ou est-ce qu'il y en a qui viennent vous rejoindre dans les fils des ans ou pas ? Non, pour l'instant, ce sont les mêmes associations. C'est l'opportunité qui fait que, quelquefois, nous pouvons avoir une nouvelle association. Voilà. Est-ce que vous avez des sponsors et des partenaires pour le Téléthon ? Alors, nous avons eu cette année un nouveau sponsor avec Oxbois, qui nous a offert les flyers. Voilà. Ah, c'est bien ça. C'est sympa. Oui, nous le remercions. Dans quel but vous avez organisé le Téléthon à Éloi ? Alors, le but, c'est de remonter un maximum de fonds pour pouvoir participer à la recherche au niveau national, bien sûr, parce que les chercheurs ont besoin de beaucoup d'argent pour faire avancer la recherche. Alors, pour nos auditeurs, le Téléthon, c'est quoi ? C'est un événement caritatif organisé depuis 1987 par l'Association française contre les myopathies pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Le Téléthon, c'est une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie, un élan de solidarité unique avec ses 5 millions de participants. Le Téléthon donne à l'AFM Téléthon les moyens de mener les combats contre la maladie. C'est une contraction de deux mots, à savoir la télévision et le marathon. Alors l'argent est également utilisé pour aider et accompagner les malades. Contrairement aux idées reçues, le Téléthon ne concerne pas que les myopathies. Les dons récoltés sont aussi utilisés pour tenter de guérir certaines maladies génétiques comme la mucoviscidose, la maladie d'Alzheimer, le diabète ou le cancer. Alors le numéro d'appel unique est le 3637, hein, vous en entendrez parler ce week-end sur beaucoup de chaînes de télé nationale. Ça permet de récolter des fonds sur la base de promesses de dons, mais une bonne partie de l'argent provient des manifestations organisées dans tout le pays. Nous parlerons des animations prévues à Éloi un petit peu plus tard dans l'émission. Nous allons faire une première pause musicale avec le générique du Téléthon avant de parler de sport. Vous voulez savoir pourquoi ? Alors restez avec nous sur le 107. We'll be right back. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Véronique et Alain pour vous parler de sport. Alors Alain, vous êtes l'organisateur de différents événements sportifs, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, enfin différents événements sportifs, j'organise que pour le Téléthon. Donc c'est avec grand plaisir, comme je vous dis, que j'ai rejoint Véronique pour organiser des trails, donc sur Éloi. Donc nous avons l'avantage d'être à Éloi, c'est que nous avons des super parcours, nous avons une très belle forêt, des très vallonnés, même assez difficiles, mais les trailleurs, je sais qu'ils adorent venir à Éloi. C'est pour ça que nous organisons avec grand plaisir différentes courses. Est-ce que vous allez au Cuveau, par exemple ? Ah oui, bien sûr, c'est le but, c'est d'amener des sportifs là-haut au Cuveau. Donc il y a toujours, à chaque fois qu'on y passe, il y a toujours une vue différente sur Éloi et aux alentours. Ça grimpe bien au Cuveau, parce que j'avais été une fois avec mon beau-père. On y est allé en voiture, après on a été à pied, mais si on part de chez nous, il y en a moins pour 2-3 heures de marche. Ah ben bien sûr, oui. Donc oui, cette année, ils vont encore s'amuser, puisque depuis que nous organisons des trails, nous avons à chaque fois changé les parcours. Donc c'est bon, un jour, on n'y arrivera plus à changer, parce qu'on passera peut-être deux fois la même place, mais l'avantage, c'est ça, c'est de changer les parcours, mais le but, c'est d'arriver au Cuveau. Bon, tous les parcours n'iront pas au Cuveau quand même, il y en aura un 14 et un 21 km qui va passer au Cuveau. Après, on a un parcours un peu plus court, parce qu'il faut penser à tout le monde. Il y a ceux qui sont vraiment des accros du trail, qui n'ont pas peur des grandes distances et des grosses montagnes. Hein. Donc, il y a aussi des gens qui courent moins, qui n'aiment pas trop les grandes difficultés. Donc, il y aura un 8 km qui monte aussi, qui est pas mal. Voilà. Et nous avons pensé aussi à ceux qui ne marchent pas beaucoup, qui ne courent pas beaucoup. Donc, il y a un petit parcours qui s'appelle le City Run, qui sera au centre d'Éloi, qui va passer l'étang du Chénac, qui va emprunter des petits chemins et des sentiers également. Alors justement, c'est quoi un City Run ? City Run, la définition de City Run... C'est une course en ville. C'est une course en ville, voilà. Ouais. Mais bon, nous, c'est une petite ville. On passe près de la Moselle. Franchement, c'est très beau, près d'un étang. L'étang du Chénac qui est super. Franchement, les gens ne vont pas s'ennuyer. Ah, c'est vrai que l'étang du Chénac, j'y vais souvent avec mon chien. C'est vrai que c'est très beau. Ah ben voilà. En plus, il y a encore les couleurs de l'automne. Ah, c'est vrai que c'est magnifique, ça. Le orange, le rouge, le jaune. Oui, voilà. Oui. Et c'est quoi un trail ? Un trail, c'est courir dans les bois, courir dans les sentiers vallonnés. Donc, c'est des descentes, c'est des grandes descentes, c'est des grosses montées aussi. Donc, c'est devenu à la mode. Il y a une vingtaine d'années, les gens couraient beaucoup sur la route. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui adorent courir en forêt. Donc, l'avantage de la forêt, c'est que c'est dans la nature, c'est des couleurs, c'est des vues. C'est vraiment très agréable. J'imagine qu'il faut une certaine forme physique pour faire un trail. Il faut une certaine forme physique. C'est vrai que ça ne s'improvise pas, mais à force, il y a des gens qui... On peut démarrer à tout âge, il n'y a pas besoin d'être jeune. Il y a des gens qui commencent très tard et puis en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont un très bon niveau. À un certain moment, on arrive à avoir un très bon niveau. Ça fait le cardio aussi. Et ça fait le cardio, oui. Après, il faut être raisonnable. Il y en a pour tous les... Le but, ce n'est pas de faire des performances. Hein. Le but, c'est de se faire plaisir et en fait, ça nous fait garder la santé. Est-ce qu'il y aura plusieurs parcours du coup ? Oui, donc je vous ai dit, donc on aura donc le City Run hein, qui sera au centre, qui passera dans le village. Et donc on aura donc un 8 km. Tout le monde prendra la même direction. Un 8 km qui a, je ne sais plus, le dénivelé de 200 et quelques mètres de dénivelé. Et puis après, donc on aura un 14 km qui est déjà un peu plus dur. Donc le 8 km exactement, il aura 320 mètres de dénivelé. Le 14, il a déjà 640 mètres de dénivelé, donc ce qui est déjà pas mal. Et le 21 km, on passera à 825 mètres de dénivelé. Et je pense que ça va plaire à tous ceux qui font du trail. Et je vous attends nombreux, bien sûr, dimanche matin. Bon, on espère que via cette émission, il y a aussi des auditeurs qui viendront vous rejoindre dimanche. Ah ben bien sûr, c'est le but, hein, c'est le but. Oui. C'est quoi des dénivelés, Alain ? Dénivelés, donc on a les dénivelés positifs, les dénivelés négatifs. En fait, c'est tout ce qui est positif, c'est ce qu'on monte en fait. Hein, quand vous partez du point zéro, vous montez une montagne, vous arrivez à, mettons, à 600 mètres, c'est la différence entre le point de départ et le point d'arrivée. Et puis vous avez... Également, les dénivelés négatifs, normalement, on en a autant, puisque on va partir d'un point pour arriver à nouveau à ce point. Donc, on monte et on redescend. Alors, vous disiez qu'il y avait de la marche tout à l'heure, mais est-ce que ça sera accessible aux familles qui ont des poussettes ? Non, Non, honnêtement, ce ne sera pas accessible parce que déjà, je suis en train de baliser en ce moment-là et c'est quand même assez gras, quoi. La terre est mouillée. Non, on passe dans des sentiers. Non, moi, je pense que quand on fait de la marche, les enfants, on peut les porter dans le dos, on peut les porter devant. Non, je pense que non, il vaut mieux pas penser à ça. Est-ce que vous êtes vous-même un grand sportif? Non, pas du tout, non, non. Non, je ne suis pas un grand sportif. Non, non, je suis en plus un jeune retraité. J'ai encore la chance de pouvoir courir, d'être en bonne santé. Je cours une dizaine de kilomètres toutes les semaines. Et voilà, j'ai couru beaucoup avant. Mais maintenant, non. Le but, c'est de courir le plus longtemps possible. Donc, on se préserve. Est-ce que vous faites d'autres sports comme du vélo, par exemple, ou même vous, Véronique? Je fais du vélo, de la danse, oui, j'ai plusieurs activités physiques, oui. Je cours de temps en temps, mais des petites distances, voilà. Oui, bah moi aussi, je fais un peu de VTT. Et VTT électrique, ça nous aide pas mal pour monter. Ça nous permet de faire des plus grandes distances. Je me demandais justement une question sur l'électrique. Il faut quand même fournir un peu d'effort, non? Ah bah bien sûr, oui. C'est sûr que ça ne s'improvise pas non plus. Hein. Voilà, donc, oui. Combien de participants vous attendez dimanche? Ah bah écoutez voir, si j'en avais 10 000, je crierais victoire. Non, non, mais bah, le plus possible, hein, de toute façon. Et ce qui va être sympa, bah, plus il y aura de monde, plus ça va être sympa, puisque donc on va faire quand même un départ qui sera à 8h45. Donc tout le monde partira en même temps. Donc on va bloquer le centre d'Eloy, puisqu'il y a une partie, on va passer au centre. Et c'est sympa de voir tous ces coureurs partir. Mais après, vous pourrez partir jusqu'à 10h en marchant. Ah, c'est ça, Véronique. Hein. Entre 8h30 et 10h. Voilà. Est-ce que les gens doivent s'inscrire ou pas? Ah oui, bien sûr. Bah oui, parce que le but, c'est de courir. Mais donc, vous inscrivez, on vous donnera un dossard. Et donc, il y a une participation de 10 euros pour toutes les. Mis à part le City Run, qu'on ne demande que 5 euros. Autrement, les trois autres distances, ce sera 10 euros. Bien sûr, toujours au profit du Téléthon. Hein. Jusque quand il faut s'inscrire? Est-ce qu'on peut s'inscrire à la dernière minute ou pas? Oui. Les inscriptions commenceront à 7h30 Oui. jusqu'à 10h, hein, c'est ça. Oui, et uniquement sur place, hein. Il n'y a pas de Voilà. préinscription, Ouais. donc on ne peut s'inscrire que sur place. Pour le sport, est-ce qu'il y aura des horaires à respecter? Ben, comme je vous ai dit, donc la course, il y aura un départ à 8h45. Autrement, ben, ceux qui veulent partir avant pourront toujours partir avant, puisque, hein, mais bon. Surtout les marcheurs, je pense que s'il y en a qui veulent faire la grande distance et puis qui veulent partir plus tôt, ils pourront toujours. Hein, Oui, les voilà. marcheurs, il faut pas partir trop tard, Faut quoi. partir. Surtout s'ils veulent faire le 21 km, il faut quand même un certain temps. Donc s'ils veulent rentrer pour midi, venir se restaurer avec une bonne choucroute, Non, voilà. Donc pas je possible. pense que oui. Autrement, jusqu'à 10h, oui. Et la choucroute, c'est l'effort avant le réconfort. Non, on va manger la choucroute après, parce que là, je pense qu'on aurait du mal à monter au cuveau. Hein. Ah, ça c'est sûr, une fois qu'on a le ventre plein. Oui. Alors, nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de toutes les animations prévues pour le Téléthon des Lois. On vous laisse avec Alexis Ballandier et Philippe Roussel. On se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Thank you. cours de l'école, tu attirais l'attention. Tu étais un petit garçon, tu étais si mignon. Sur la pointe des pieds, tu marchais, ton petit ventre rond en avant, tu te dandinais. Dans la cour de l'école, chaque jour, tu tombais. De plus en plus souvent, tu t'effondrais. Étais-tu donc si malhabile ou étourdi? Cruelle réalité, c'était la myopathie. Au fil des jours, à tes côtés, j'avais du mal à supporter de cette maladie tous les ravages et de ne pouvoir t'aider davantage. Souvent tu disais, j'ai peur de la trouille, et on riait en voyant ta bonne petite bouille. N'avais-tu pas besoin alors d'être réconforté, craignant hélas l'implacable vérité? Profondément troublé par ta disparition, j'ai aussitôt pris cette décision. Lutter jusqu'au jour où chacun de tes amis guérira. En souvenir de toi, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Aujourd'hui, forte de ton exemple, de ton courage, de ta volonté, de ta joie de vivre, et avec vous, tous ensemble, j'ai envie de crier ce mot, guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Guérir. Nous revoilà sur les ondes de RGM avec Véronique et Alain. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via leur transistor ou leur autoradio sur le 107 ou via notre site internet Orange Radio et Radio Line ou encore par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Alors, la première, donc, c'est la musique emblématique du Téléthon que vous allez entendre souvent pendant ces 30 heures, hein, ce week-end, puisque l'émission passe sur France TV pendant 30 heures. Et la deuxième, c'est particulier, c'est un CD qui a été créé par une association au niveau des Vosges, l'association L'Espoir en chanson. Donc c'est Julien Gacht, adulte qui avait une myopathie, décédé maintenant, qui a voulu témoigner de son parcours, de ses souffrances, de ses espoirs. Donc l'association a été créée avec différents membres, dont Claudine Wischbilling, qui était à l'époque coordinatrice Téléthon sur les Vosges. Et donc nous retrouvons donc un poème qui a été créé par Julien. Et voilà, il y a une chanson accompagnée par Philippe Roussel. Philippe Roussel fait partie de ce projet. Antonio Garcia fait partie de la création de la pochette. Et c'est un CD que j'ai donné dans les écoles à Éloi parce que je trouve que c'est un magnifique support pour expliquer la maladie, les espoirs et le parcours. Donc c'est un hommage aussi à Julien et tous les malades. Voilà. Qui est Alexis Balandier ? Alors, Alexis Balandier, c'est un autre accordéoniste local, musicien connu, qui va animer notre repas choucroute. Est-ce que c'est la première fois qu'il participe au Téléthon des Lois ? Non, nous avons à cœur de le prendre parce qu'il anime... Il anime très bien notre après-midi, notre repas dansant, avec des musiques à la fois des valses, des tangos, mais aussi des musiques récentes des Madison, enfin, il va mettre de l'ambiance, quoi. Aussi bien pour nos anciens que nos plus jeunes. Et comment vous l'avez rencontré ? Oh, Alexis Ballandier, c'est quelqu'un de connu sur le secteur, donc les hasards des rencontres, voilà, comme beaucoup de rencontres. Vous nous parliez au début de l'émission des lots exposés, c'est quoi ? Alors, nous avons beaucoup de donateurs, hein, des particuliers, des commerçants qui nous donnent des lots. Donc, nous organisons une loterie à 2 euros le billet, tous gagnons. Et donc, nous avons là, à ce jour, 400 lots qui vont être exposés dans la salle, dans l'espace culturel où aura lieu le repas. C'est qui, Laetitia ? Alors, Laetitia Render, c'est notre écrivaine locale, hein, bien connue, qui a été marraine du Téléthon sur les Vosges l'année dernière et qui a écrit un livre qui s'appelle Valentine. C'est un livre pour les enfants qui explique le parcours d'une petite fille qui est malade, qui perd ses cheveux et bien sûr qui est confrontée au questionnement de ses camarades de classe par rapport à sa maladie. Et donc, c'est une belle histoire. Donc, Laetitia sera à l'espace culturel samedi de 10h à 14h pour vendre et dédicacer ses livres. Les profits seront reversés à l'AFM Téléthon. Il y a eu un contrat de signer avec elle. Elle vient d'où, Laetitia ? Alors, Laetitia est d'origine belge et elle est venue habiter dans les Vosges. Voilà, elle habite à Éloie depuis un long moment. Qui est Catherine ? Catherine est une dame d'Épinal qui est atteinte de myopathie et qui va venir sur notre repas. Donc c'est pareil, c'est une rencontre par le biais d'amis. Elle a à cœur de vouloir témoigner de son parcours avec l'AFM. Je pense que c'est important de témoigner des avancées de la recherche et des espoirs. J'ai entendu parler d'une choucroute, mais est-ce qu'il y aura d'autres repas à consommer ou pas ? Alors oui, pour ceux qui n'aiment pas la choucroute, il y a du poulet avec des pommes de terre, des potatoes, comme on dit, et des repas enfants avec knack et potatoes. Est-ce qu'il faut réserver sa place ou pas ? Alors, il fallait réserver sa place, mais maintenant, c'est trop tard parce que nous sommes 320 personnes et nous ne pouvons plus mettre plus personne. C'est fini. C'est un beau succès et vraiment inattendu parce que après la maladie, là, le corona qui nous a perturbés pendant 2 années, nous ne savions pas du tout comment allaient réagir les gens par rapport à ces repas. À 320 personnes, ça demande pas mal d'organisation, tout ça aussi. Hein. Oui, ça va être compliqué à placer les gens, tout ça, mais on va faire ça cet après-midi. Et puis samedi, nous allons mettre en place la salle, mais c'est des bons moments. C'est un week-end qui s'annonce assez intense. Vous allez souffler une fois que ça sera terminé, je pense. Oui, mais après, quand tout se passe bien, ce n'est que du bonheur. Qui s'occupe des réservations ? Enfin, qui s'occupait des réservations, du coup ? Alors, c'est moi. Et en partenariat avec le 8 à 8 qui, lui, prenait les enveloppes, les réservations. Est-ce qu'il y a d'autres animations de prévues ou pas ? Non, mais c'est déjà pas mal. Hein. L'espace culturel des Lois, il se trouve où ? Alors, l'espace culturel se trouve au centre des Lois, en face de la mairie. C'est facile à trouver. Il y a un grand parking en dessous et, pour se garer. Et puis, c'est vraiment très, très facile quand vous arrivez dans le centre des Lois. Est-ce que vous aviez eu autant de participants avant ou pas pour les repas du Téléthon ? Eh oui, il y a 3 ans, nous étions 314. Ah, 6 de 400 moins. Marcheurs. Ah, c'est bien ça. Un peu de solidarité dans ce monde, ça fait du bien. Tout à fait, ouais. J'ai oublié de dire que nous avions une artiste locale, Patricia, qui nous a donné 3 magnifiques tableaux et pour lequel nous allons organiser une tombola. Et j'ai vu ça, elle a peint un chat, je crois. Un beau chat, oui, coloré. Ah, oui. Il est très beau, j'ai vu ça sur votre page Facebook. Il est très beau et on l'a mis sur la page Facebook pour présenter ses tableaux et donner envie de vouloir le gagner. Ah, c'est sûr, vu la qualité du tableau que j'ai vu, j'avais envie de participer. Ah ben, avec plaisir, hein, vous attends. Est-ce que vous avez des projets tous les deux après le Téléthon ou pas, pour la ville des Lois ? Ah non, non, non, nous sommes... nous organisons le Téléthon, ce qui est déjà, je pense, sans prétention, des plus grosses manifestations sur Éloie. Parce que si on compte 400 marcheurs, alors peut-être cette année moins, mais enfin en tout cas, on a plus de 800 personnes qui passent quand même sur notre Téléthon dans la journée, au minimum. Est-ce que vous auriez un appel à lancer à l'un ou aux auditeurs de Radio Gémozo pour qu'ils viennent vous rejoindre pour faire du sport? Ah ben bien sûr, je lance un grand appel. J'attends tous les Vosgiens et tous les départements qui sont autour des Vosges de venir courir à Éloy. Je vous dis, même si on est 10 000, on en prendra 12 000, on peut en prendre. Non, ça, je ne pense pas qu'on en arrivera là. Alors là, ce serait exceptionnel. Mais de toute façon, vous avez tous ceux qui pourront venir courir. En plus, la météo va être vraiment avec nous. Je pense que il fera peut-être moins d'eux, mais c'est le temps idéal pour courir et pour découvrir des super paysages. En plus, comme la forêt reste encore belle, il y a encore de belles couleurs là. Donc, je vous attends tous à Éloy dimanche matin. Venez nombreux, nous saurons vous accueillir. Voilà. Et en plus, donc, je voulais aussi vous parler un peu. On a de la sécurité quand même. Hein. Mm-hmm. C'est une organisation, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, nous serons épaulés par les ambulances Arnaud Bourbon. J'aurai aussi, j'ai un ami, Denis, qui me prête un quad. J'ai Thierry qui le conduira. En cas de problème sur un endroit où on peut pas se rendre avec une ambulance, on pourra toujours aider les gens qui aient des problèmes, quoi. Donc c'est important ça, de veiller à ce que tout le monde soit bien. Oui, effectivement. Et oui, préciser que nous avons un ravitaillement festif, puisque notre accordéoniste préféré sera sur le ravitaillement de 10h à 11h30 pour accueillir les coureurs. C'est toujours sympa. Les coureurs montent, entendent la musique. Ça les booste, ça leur donne envie de courir. Et nous avons des petits pains aux fruits qui seront offerts. Voilà, nous avons des pains aux fruits, du chocolat sur le ravitaillement. Du coup, Véronique, est-ce que vous auriez un appel à faire à nos auditeurs pour participer aux différents événements qu'il y aura au Téléthon d'Éloy dimanche ? Ben, venez tous nous voir, venez acheter un livre, venez à la tombola, venez essayer de gagner des lots, passez nous voir, même ne serait-ce que pour voir notre organisation. La salle est décorée, c'est festif, c'est gai, voilà, c'est sympa. Et du coup, tout l'argent récolté, il ira à l'association du Téléthon. L'argent remonte à l'AFM Téléthon, oui. Tout, enfin le bénéfice, mais nous avons peu de frais. Mm-hmm. Voilà, donc le bénéfice remonte à l'association. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, nous avons remonté 14 000 euros. Ah oui, c'est beaucoup de solidarité aussi, ça, c'est bien. C'est magnifique pour une ville de 3 500 habitants. On est quand même 3 500. Voilà. Super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux ? Ben, de continuer à avoir de l'énergie. oui, après, on a toujours l'énergie parce qu'on a tellement de gens qui viennent se greffer à nous, on fait des belles rencontres, donc ça nous pousse à continuer, bien sûr. Hein. Tant que ce sera comme ça. Puis en plus, si on a beaucoup de monde dimanche, on a envie de recommencer. Cette émission est maintenant terminée. Véronique Alain, merci d'avoir été avec nous. Eh ben, c'était avec un grand plaisir. Merci à vous de nous avoir accueillis. J'espère que de nombreuses personnes viendront participer aux différentes animations prévues et que vous pourrez récolter un maximum d'argent qui seront, comme vous le disiez Véronique tout à l'heure, entièrement reversés à l'Association française contre les myopathies. Chers auditeurs et auditrices de RGM, n'hésitez pas à vous rendre à Éloy ce dimanche. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle Autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. C'était Laura. Bye tout le monde.